Chapitre 26e, le scooter. Bellegarde était censé rentrer de vacances passées au chaud soleil varois, mais il arborait surtout un joli teint d'endive et des yeux battus. Dutilleul vit tout de suite que le moral ne devait pas être au beau fixe. « Vous vous êtes querellé avec Marguerite et cela vous tord les boyaux. Il ne fait donc pas beau à Sainte-Maxime ?»« Si seulement. Qu'est-ce que ça tape ? J'ai passé mon temps littéralement cloîtré dans ma chambre. » « Vraiment, chef, c'est la dernière fois que j'y mets les pieds. »« Je ne voudrais pas trop remuer le couteau dans la plaie, Bellegarde, mais vous dites cela chaque année en revenant. »« Je sais, chef. À chaque fois, je me fais couillonner, mais cette fois-ci, vraiment, c'est terminé. »« Je l'ai bien dit à Marguerite. Je me prends un bungalow quelque part pour enfin passer de vraies vacances. »« Parce que la Micheline, je ne peux vraiment plus la supporter. La dose prescrite est dépassée, et plus, je risque l'allergie. » Même Germain craque, c'est dire. Elle s'aigrit de plus en plus, la vieille peau. Quand je repense à la belle pépée que c'était dans un temps, j'en viens presque à plaindre Germain, alors que pourtant je suis bien loin de le porter dans mon cœur. En attendant, il était peut-être un peu extrême de vouloir la mettre en morceaux et de semer ensuite les paquets sur le vieux port. Pour un peu, il en aurait tremblé à l'évêché. Pardon de vous contredire, chef, mais là, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Cette Micheline est pire que les sept plaies d'Égypte réunies. Les juges ne pouvaient que m'acquitter. En attendant à Paris, nous nous apprêtions à prendre certaines dispositions si l'affaire ne se révélait finalement pas si bien engagée. Pourrais-je connaître ces fameuses dispositions? J'espère qu'elles m'étaient un peu favorables. Henri Castex était prêt à mettre Bégin sur l'affaire. Bellegarde explosa de rire. Alors là, chef, vraiment, je suis touché. Remarquez. Il aurait peut-être obtenu un résultat. Avec lui, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Justement, je n'avais pas trop envie de tester. Alors comme cela, Marguerite est fâchée? Non, plutôt déçue. Je ne sais pas comment elle arrive encore à supporter sa sœur. Elle lui pardonne tout. N'empêche que pour le bungalow, je ne céderai pas. C'est vraiment sérieux, cette affaire? Absolument. Mon vieux adorait tâter le goujon sur le loin pendant le week-end, et j'avoue que l'envie me démange de plus en plus. « C'est amusant. Je ne vous imagine pas trop en pêcheur. Oh, ce n'est pas pour embêter le poisson, mais juste pour prendre l'air. Parce que la pollution, merci bien, et si l'été s'avère aussi torride que le précédent, autant prendre ses précautions. Vous savez, chef, on a fait de gros progrès en matière de bungalow. Il en existe maintenant de très chouettes. Je vais en visiter un ce week-end. Si vite? Oui, j'y suis décidé. Et Marguerite devra se faire une raison. Ce sera Micheline ou moi. » Elle risque de ne pas être très contente. Eh bien, ce n'est même pas sûr. Quand elle aura passé un ou deux week-ends bien tranquilles, elle verra qu'il y a d'autres horizons que Micheline, et heureusement. Pour sûr, ce ne sera pas quelque chose de bien grand, mais, comme nous ne sommes que deux, quelle importance. Du moment qu'il y a un petit coin pour gratter la terre et un gentil cours d'eau, cela me va bien. Autrement, ici, comment ça va? Nous en parlerons tout à l'heure. Auparavant, j'ai à vous faire part d'une nouvelle. « Agathe Michonnier se marie et vous êtes invitée à la noce. »« La petite Agathe ?»« Sans vouloir vous offenser, Bellegarde, elle approche à grands pas des 35 ans. »« Je m'en moque, chef. Pour moi, elle restera toujours la petite Agathe. C'est Michonnier qui doit être content. »« Dites plutôt qu'il se pavane, le bougre. Vous saviez qu'il a maigri ?»« Ben oui, chef. Je l'ai vu lors d'un rappel de vaccin. »« Naturellement, vous vous êtes bien gardé de me le dire. »« J'avais promis, chef. » C'était donc une conspiration. Décidément, même les meilleurs, répliqua Dutilleul, faussement irrité. Bon, à présent, remettons-nous au travail, puisque c'est ce que vous semblez souhaiter, bien que je meure d'envie de vous renvoyer chez vous, enfin. Plus sérieusement, nous avons hérité de l'affaire Marion Chardy. C'est Henri Castex qui m'a prié de reprendre le dossier. Marion Chardy, ce n'est pas la gosse qui s'est fait massacrer au couteau? Je croyais que le dossier était entre les mains de Gravard. Il ne l'est plus. Cependant, je préfère vous prévenir. Ce n'est vraiment pas joli à voir. Je sais, chef. Gravard a-t-il trouvé quelque chose d'intéressant? Non, même s'il n'a pas fait du mauvais travail. Seulement, c'est comme tout. Cela demande à être vérifié, creusé. Gravard n'a fait que survoler les choses. Il faut dire que ce n'est pas tellement son rayon. Il a pourtant des qualités certaines d'enquêteur. Si seulement il n'était pas si impatient. Son rapport n'était vraiment pas mal. En tout cas, vous avez dû vous amuser à le déchiffrer. L'important est que j'y sois parvenu. À présent, j'ai également besoin de faire appel à votre mémoire. Auriez-vous entendu parler d'une gamine de 5 ans abandonnée dans le jardin du Luxembourg? Comment donc? Marie, qu'elle s'appelait. Robert Simon en était malade. Il ne cessait de regarder sa photo à cette môme. C'est vrai qu'elle était mignonne. Vous l'avez vue? Une fois. Elle devait avoir 10 ans. Cela m'a marqué, chef, parce que je trouvais qu'elle n'avait vraiment pas sa place au commissariat. Elle était si sage, si polie, très soignée. Quand on la voyait avec son kilt et son chemisier blanc brodé, on ne pouvait pas deviner qu'elle n'avait pas de famille. Elle répondait gentiment aux questions. Simon disait que c'était hélas toujours les mêmes, et elle n'a jamais pu beaucoup les aider. Saviez-vous que Lourcel avait hérité de l'affaire? Lourcel, peu avant. Hélas, oui. Quelle guigne, pauvre petite. Elle n'avait aucune chance qu'on retrouve ses parents. Alors que pourtant c'était bel et bien possible. Ça, chef, on ne le saura jamais. C'est là où vous avez tort, Bellegarde. Quoi? Ne me dites pas. Eh bien justement, si. J'ai fait republier la photo de Marie et cela parlait à quelqu'un. Vous l'avez dit à Marie, j'espère. Hélas non, Bellegarde. Pour Marie c'est trop tard, comme pour Marion. Ne me dites pas. Si, malheureusement. Marie est morte, dans un accident de voiture en 1988. Et encore, vous ne savez pas tout. Que peut-il y avoir de plus? Marion Chardier était la fille de Marie. Bellegarde se rebiffa soudain. Chef, il faut coincer le pourri qui a fait ça. Il n'avait pas le droit. Qu'est-ce que vous avez glané? Pour tout dire, pas grand-chose. Je me suis rendu à Fleury-Mérogis pour voir l'une de vos vieilles connaissances. Ah oui? Qui? Malik Boucharif. En fait, c'est lui qui m'a demandé de venir le voir. Il voulait que je reprenne l'enquête Chardy à mon compte. Excusez-moi, chef, mais j'ai l'impression d'avoir raté un épisode. Que vient faire Malik Boucharif dans toute cette histoire? Je crois me souvenir qu'il était en prison au moment du meurtre. Une histoire pas claire de scooter volé. Pour répondre à votre question, Bellegarde, Malik Boucharif était le petit ami de Marion Chardy. En d'autres circonstances, j'aurais presque souri de la situation. Notez bien, ce n'était pas le méchant garçon. Je sais, Bellegarde. Cependant, j'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire. Pourquoi avez-vous dit que l'histoire du scooter n'était pas claire? Ce n'est pas moi. Je ne fais que vous donner le sentiment de Brosset. Je peux le faire venir si vous le voulez. Oui, j'aimerais bien l'entendre. Dutilleul appuya sur le bouton de l'interphone et Patricia Martineau ne fut pas longue à apparaître. Pouvez-vous m'appeler Brosset? Bien sûr. Dites-lui de monter tout de suite, voulez-vous? Philippe Brosset, inspecteur de son état, ne fut pas long à se présenter. C'était un jeune homme d'environ 35 ans, plus spécifiquement affecté au vol de deux roues. Dutilleul savait qu'il faisait du bon travail et lui était déjà arrivé de le consulter. Bonjour, Brosset. Est-ce que par hasard le vol d'un scooter impliquant Malik Boucharif vous rappelle quelque chose? Pour sûr, monsieur. J'ai toujours trouvé cette affaire des plus bizarres. Ah bon? Pourquoi cela? C'est surtout une impression, monsieur, mais j'ai toujours pensé par-devers moi que si l'on avait voulu tendre un piège à Boucharif, on ne s'y serait pas pris autrement, même si je reconnais que le sieur était loin d'être un saint. Pourriez-vous vous montrer plus précis? Je vais essayer, même si c'est difficile à expliquer. Voyez-vous, il m'a semblé étrange que le scooter ait été garé pratiquement sous les fenêtres de Boucharif. C'est du moins ce qu'il vous a prétendu. Justement. Vous pensez bien que, connaissant l'animal, je ne pouvais pas me contenter de ses seules déclarations, sachant qu'il pouvait mentir comme personne lorsqu'il s'agissait de se tirer d'un mauvais pas. J'ai donc mené ma petite enquête. Un bon point pour vous. Quels ont été les résultats de celle-ci? 2 témoins, une femme de ménage et un professeur de mathématiques, m'ont confirmé que le scooter avait bien été garé à l'endroit indiqué par Boucharif. Le fait leur a paru des plus inhabituels, parce qu'aucun scooter n'est jamais garé là. En effet, il existe un parking pour deux roues 200 mètres plus loin et celui-ci n'est jamais plein. Êtes-vous parvenu à savoir quand le scooter a été garé à cette place? Toujours, selon les déclarations de la femme de ménage, entre le 7 et le 8 février 2003. Elle est sûre qu'il n'y était pas le 6, car elle ne l'a pas vu quand elle a vidé sa poubelle. Quand le scooter a-t-il été volé? Le 9 février. Boucharif a été arrêté 3 jours plus tard par une patrouille de police qui, comme par hasard, avait un descriptif très précis du scooter. Quand le vol a-t-il été déclaré? C'est sur ce point qu'à mon sens, on a battu des records de rapidité. Malik Boucharif a admis avoir emprunté le scooter vers 11 heures et le vol a été déclaré vers 16 heures. Un appel anonyme dont on n'est jamais parvenu à remonter la trace. Pour un scooter dont personne ne semblait se soucier 24 heures avant, c'était pour le moins curieux. L'interlocuteur, dont il a été impossible de déterminer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, car la ligne était particulièrement mauvaise, semblait en revanche parfaitement connaître les caractéristiques du dit scooter. Ainsi, la personne savait que la fourche de direction était faussée, sans doute par une pierre, et que le phare arrière n'avait plus de protection. A-t-on pu retrouver le propriétaire légitime ? Non. Malgré un examen minutieux, il s'est avéré que le numéro de série avait été très soigneusement limé. J'ai cependant contacté le constructeur, Honda, qui a pu en déterminer l'âge. 5 voire 6 ans. Modèle très courant, très difficile à identifier car sans grande valeur marchande. Si Boucharif n'avait pas eu du shit sur lui, il aurait pu s'en tirer avec un simple rappel à la loi. Ainsi donc, si je vous suis bien, vous pensez que Boucharif a été volontairement mis sur la touche. Je n'en serais qu'à demi surpris, monsieur, à force de piétiner certaines plates-bandes. Pourtant, j'ai toujours pensé qu'il était plutôt bien considéré dans la cité et qu'il jouissait même d'un certain statut. Sans doute, mais cela n'empêche pas les guerres intestines, la jalousie. Il suffit parfois de très peu de choses. Intéressant. Merci beaucoup, Brosset. À votre service, monsieur. Une fois Brosset sorti, Dutilleul poursuivit sa conversation avec Bellegarde, comme il avait coutume de le faire. L'avis de Brosset n'est pas à négliger. Il connaît son affaire et, s'il pressent un lièvre, j'aurais tendance à le croire. Ce scooter qui semble un temps abandonné, mais dont on se hâte de déclarer le vol. Heureusement que j'avais prévu de retourner à Fleury un de ces 4 matins. Cela me fera un autre point à éclaircir avec Boucharif. Le garçon va devoir sacrément compléter son récit. Vous savez, chef, je peux m'en charger pour vous. Je sais que Fleury... Non, non, Bellegarde, je préfère poursuivre. Mais pas maintenant, cependant, car nous avons rendez-vous chez CM Process. J'aimerais m'entretenir avec une personne qui m'intéresse au plus haut point. Pardon, chef, mais qu'est-ce que CM Process ? Une société florissante de composants électroniques. Je ne vois guère ce que Marion Chardy pouvait avoir à faire avec cette société. Sachez, Bellegarde, qu'elle avait tout à y voir, au contraire. CM Process a été créé par le père de Marion, un certain Samson Chardy, et celle-ci, du moins jusqu'à son meurtre sauvage, en était l'actionnaire majoritaire. Bellegarde siffla. Cela peut effectivement constituer un joli mobile de meurtre. C'est en tout cas une piste à ne pas négliger, surtout quand on connaît aujourd'hui la taille de ladite société. Je me suis fait communiquer une plaquette de présentation. Les chiffres à eux seuls donnent le tournis. CM Process possède des filiales sur les 5 continents. Elle est implantée depuis longtemps dans la Silicon Valley. Possède plusieurs usines en Chine, en Malaisie, ainsi qu'à Taïwan. Bref, en quelques décennies et sous l'impulsion du parrain de Marion Chardy, elle est devenue un véritable géant de l'informatique. Monsieur Jean-Jacques Mousseron étant de passage à Paris, je ne peux que l'entendre. Chef, de vous à moi, vous pensez que... Dans cette affaire, Bellegarde, comme dans beaucoup d'autres, je m'efforce au contraire de ne pas penser. L'homme m'intrigue déjà suffisamment comme cela. Cependant, si vous aviez l'obligeance de me conduire à la défense... Bellegarde sourit de toutes ses dents. J'aurais dû le deviner plus tôt. On prend une voiture de service ? Non, je préfère utiliser ma voiture. Au moins, cela la fera rouler un peu, surtout si l'on multiplie les détours. Cependant, j'ai un rendez-vous en bonne et due forme et j'aimerais assez être à l'heure. À cette heure, ça ne devrait pas poser de problème, si toutefois on parvient à se garer. À moins, bien sûr, que vous ne préfériez que je reste à l'intérieur. Non, Bellegarde. Je préfère que nous soyons deux. S'il vous faut un témoin, c'est que l'entrevue est d'importance. Je n'en sais bigrement rien. C'est pourquoi je préfère prendre quelques précautions.